dans tes avenues, tes rues. Mais les hommes à ses pieds si tendres, Barcelone, fais-lui bien comprendre qu'elle se trompe, quels qu'en soient les noirs.